3h du mat, j'ai les yeux faibles mais les idées claires. La prod tourne, mon cœur souffle, j'ai jamais été aussi déter. La rage que j'accumule à mon âge, elle s'estompe sous la barre, tu peux la lire sous ma barbe. Et ouais, cette nuit j'ai du mal à trouver le sommeil. Je galère comme Raon pour trouver le soleil. Mon rêve, gravir les échelons pour pouvoir toucher le sommet. Élever ma fille avec ce qu'il faut niveau cash money. Heureux d'apprendre que la mif s'agrandit. Malgré ça, la vie fait tout pour pas que je m'attendrisse. Encore une bad news, un nouveau groupe est dans les bacs. C'est cool pour eux, mais le problème c'est que c'est pas nous. Sur le chemin du retour, on aime refaire le monde, le temps est long. Rap, au contraire du tien, le mien est bon. Les lettres de mon clavier deviennent floues. Mes paupières ne répondent plus, plus j'y pense et plus je deviens fou. La nuit porte conseil, c'est peut-être pour ça que je dors pas. Le clair de lune me traque, est-ce normal? La paranoïa s'installe de façon bad. Nos sables sont mes pensées, pas d'humeur pour aller danser. La nuit porte conseil, c'est peut-être pour ça que je dors pas. Le clair de lune me traque, est-ce normal? La paranoïa s'installe de façon bad. Nos sables sont mes pensées, pas d'humeur pour aller danser. Les yeux ouverts, je constate que la lune est ronde. Et je galère seul sous les étoiles car la nuit est longue. Je rêve de faire partie de la relève, c'est ainsi. Mais ma life manque cruellement de relief ces temps-ci. Je suis de ces jeunes à l'avenir plein de projets. Du plomb dans la tête, les idées claires, frangin. L'espoir fait vivre, mais trop nous tue. L'industrie du disque, pas de l'aile. Mon frère qui dit Christ dit pas de l'aile. Je dors plus la nuit, j'écoute un peu ce qui se fait. Putain, j'en attends rien car plus rien ne m'atteint plus. On est loin de l'utopie, de la bulle où chacun espère pouvoir un jour vivre de sa plume. Rien n'est comme avant. Pour un bif, on skill, on braque la fraternité. Allonge l'unité à plat ventre, insomnie aussi. Pour nos remparts qui se font du mauvais sang à voir leur enfant vouloir faire carrière dans le son. La nuit porte conseil, c'est peut-être pour ça que je dors pas. Le clair de lune me traque, est-ce normal? La paranoïa s'installe de façon bad. Nos sables sont mes pensées, pas d'humeur pour aller danser. La nuit porte conseil, c'est peut-être pour ça que je dors pas. Le clair de lune me traque, est-ce normal? La paranoïa s'installe de façon bad. Nos sables sont mes pensées, pas d'humeur pour aller danser. Je vis en décalé, j'ai pas de crête, pas de slim. Dans mon équipe y'a pas de traître, pas de shit frelo. Le pic renferme mes peurs, mes joies, mes peines, mes défauts, mes qualités, mes rêves sont dans mes textes. Cette nuit j'ai mal dormi, un roi est mort. Appelle Samuel Azik, a pris une bastos dans le corps. Du côté gauche, de la poitrine, parle mal de ma famille, tu verras bien mon côté hoche. La nuit porte conseil, c'est peut-être pour ça que je dors pas. Le clair de lune me traque, est-ce normal? La paranoïa s'installe de façon bad. Nos sables sont mes pensées, pas d'humeur pour aller danser. La nuit porte conseil, c'est peut-être pour ça que je dors pas. Le clair de lune me traque, est-ce normal? La paranoïa s'installe de façon bad. Nos sables sont mes pensées, pas d'humeur pour aller danser.